Énergie Saône-et-Loire. La radio officielle de l'Élan Chalon. Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie en public. Il y a du monde ici ? Il y a du monde. Bon, à l'occasion de notre semaine spéciale Élan Chalon sur Énergie, on reçoit deux invités de marque, deux joueurs de l'Élan, Nicolas Lang et Jordan Aboudou. Comment ça va les gars ? Ça va bien et vous ? Bonjour Chalon, bonjour Énergie. Ça va très bien ? Salut, ça va très bien. Bon, alors on va passer quelques petites minutes ensemble cet après-midi. Et on va commencer par les baskets forcément. Et la spécialiste maison, c'est la belle Aline Picard, hein, notre journaliste. Salut Aline. Salut Johan, salut Jordan, salut Nicolas. Alors vous faites tous les deux partie de l'Élan Chalon, hein. On vous connaît évidemment, toi Nico t'étais déjà pour l'an dernier, Jordan tu signes ton premier contrat cette année. Et on peut dire que pour vous les années se suivent et elles se ressemblent, hein. Vous êtes aussi bons cette année que l'année dernière, comment vous expliquez ça ? Bah, nous on explique ça tout d'abord par le travail, par le fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir un groupe qui aime bien travailler, qui aime travailler ensemble, qui prend beaucoup de plaisir surtout. Moi personnellement, je considère cette équipe un peu comme une famille et je pense que ça c'est vraiment important dans les résultats. Bah ouais, comme le dit Nico, bah, moi je pense que si on est sur la continuité de l'année dernière, ce qui fait qu'on a plus d'automatisme ensemble et tout comparé à d'autres équipes et je pense que c'est un gros fort pour nous. Il y a un dernier match de championnat, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça face au Mans. C'est toi qui as sauvé l'équipe, un tir à 3 points. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais bon, j'aime pas vraiment le mot sauver l'équipe, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'on avait fait du bon boulot pendant 3 quarts temps, après on s'est un peu relâché et voilà, j'ai mis un shoot et faut pas s'enflammer non plus. Faut pas s'enflammer, t'es jeté d'accord, Jordan ? Ouais, c'est clair, faut pas s'enflammer. Puis, bah, en plus, on a vu sa réaction après le shoot, ça aurait été peut-être un autre joueur, il aurait crié dans tous les sens, mais non, lui il est resté. Humble et encore concentré dans le match car le match n'était pas encore fini. Donc là vous enchaînez en ce moment, donc c'était Le Mans là, le week-end dernier, match de Road Challenge mardi face à Alost. Vous êtes qualifié pour les quarts de finale, vous tombez face à Rouen au prochain tour. Duel franco-français, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage ? C'est pas vraiment facile parce qu'on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Je pense que le seul vrai point positif, ça va pas être par rapport à la récupération. Rouen, c'est pas très loin, c'est 2 heures de route et ouais. Maintenant on peut dire que c'est une salle qu'on aime bien. Quoi. Bah ouais, comme dit Nico, hein, et puis bah, moi je pense que comme on les connaît déjà, ça va être un peu, je sais pas, le match, Match piège. Ouais voilà, c'est un peu un match piège. un match piège. Vous enchaînez, donc on vient de le dire. Est-ce que vous sentez la fatigue l'un l'autre ? Il y a de la fatigue, mais en fait, faut pas qu'on se le dise. Donc plus les gens nous le disent, plus... Tout le monde nous pose la question. Ouais, voilà, c'est des questions de journalistes, à la con. On peut dire ça comme ça. Tout le monde nous pose cette question-là. C'est vrai qu'il y a de la fatigue, mais bon, plus on se le dit, plus on va se trouver des excuses. Et c'est vraiment pas ce qu'on recherche maintenant. On doit pas se mettre ça dans la tête, parce que voilà... on en est là, c'est qu'on l'a voulu, tout ça, donc maintenant qu'on y est presque à la fin, c'est pas en cette période-là qu'il faut se dire qu'on est fatigué. Donc vous venez en plus de gagner la semaine des As, vous êtes encore en course pour l'Euro Challenge, pour la Coupe de France, championnat on n'en parle pas. Est-ce, quelle est la priorité pour vous, si on devait choisir un seul truc ? Si on devait choisir un seul truc ? Ouais. Bah je pense que ce serait le championnat quand même. Mais bon, nous justement on a décidé de pas choisir et on a déjà gagné les As. C'est ça, je veux dire, même l'an dernier on a gagné la Coupe de France. On pourrait se dire, oh bon, on l'a gagné l'an dernier, cette année on la joue pas, ou on essaie de s'économiser pour le reste. Bah non, justement, nous on veut tout jouer, on veut tout gagner. Donc, je pense qu'on a vraiment 11 compétiteurs dans l'équipe et c'est ça qui fait notre force. Super, on veut jouer sur tous les tableaux. Parfait, c'est très bien. Donc ça va continuer dès demain face à Dijon, un derby bourguignon. Est-ce que c'est un match particulier pour vous ? On commence peut-être par Nico. Ben pour moi c'est un match particulier parce que je suis à Chalon depuis que j'ai 15 ans. Au début ça représentait pas grand chose parce que je suis pas vraiment de la région et que pour moi jouer contre Dijon ou Paris ça revenait à la même chose. Maintenant ça fait quand même 7 ans que je suis là, j'ai appris à connaître l'ambiance des derbies et je sais très bien que c'est pas un match comme les autres et qu'il faudra gagner quoi. Ouais, le stade il va être blindé, il y a une ambiance particulière quand même pour les derbies. Ouais, c'est un derby et c'est clair que c'est des matchs intéressants à jouer et c'est ce que les joueurs c'est ce qu'on aime. Hein. Beaucoup d'ambiance, des matchs importants, c'est cool. Toi, c'est particulier pour toi, hein, on le disait un petit peu avant, parce que ton frère, il joue dans l'équipe adverse à Dijon. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton frère? Bah, là, je vais le rencontrer pour la troisième fois depuis que je joue au basket, parce que j'ai rencontré il y a 2 ans en espoir quand on avait joué contre Dijon. Match aller-retour, on avait gagné déjà. Et puis bah, là, en plus, comme c'est en pro et tout, bah, c'est vrai qu'avec l'ambiance et tout, c'est encore plus excitant, quoi. Alors, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, ah ouais, figure-toi. Tout à l'heure, carrément. Exactement, ce matin enfin, même, j'ai eu au téléphone. J'ai eu au téléphone, il a un message pour toi et il a un message pour Nico aussi. Ouais. Alors, on va écouter. C'est juste bon match et on se voit vendredi. Un message à Nicolas Lang aussi, qu'il arrête de porter ses Ray-Ban moches. Donc voilà, c'était le petit message de ton frère donc qui jouera demain avec toi le derby bourguignon. Donc en tout cas, une chose est sûre, demain le Colisée, on l'a dit, ça va être blindé. Donc tout Chalon sera derrière vous. Et là en studio, donc avec nous cet après-midi, on a des auditeurs qui sont aussi fans de l'élan Chalon. Et ils ont des questions à vous poser. Donc on va attaquer. Et on va commencer donc avec Benjamin de Chalon. Salut Ben, vas-y, pose ta question. Salut Nico, salut Jordan. Alors quelle sensation ça vous fait d'avoir remporté les 2 premiers trophées de l'élan? Ben, c'est une grande fierté, honnêtement. Je tiens d'abord à préciser que le premier trophée de l'élan, c'était nous en cadet. Tout d'abord. Non mais je vois ce que tu veux dire et pour moi c'est une grande fierté parce que je suis là depuis longtemps et j'ai vu comment les équipes galéraient à essayer de rapporter un trophée. Il y a eu des grands joueurs avant nous, ils n'ont pas réussi. Je vois un peu le club, quand je parle le club, le président, le coach, ils couraient après ça. Et c'est vraiment une grande fierté de faire partie de cette équipe-là qui a réussi le challenge. Je suis Nico et puis du fait qu'on soit jeune et tout, c'est très rare. De gagner des titres en étant jeune comme ça, donc bah, pour nous c'est que un plus quoi, qui fait que bah, ça peut que nous motiver pour la suite. Bah merci, il continue comme ça. De rien, c'est gentil. Merci. Et on va passer maintenant à Irvin. Allez, vas-y, on t'écoute, pose ta question. Salut les gars, je voulais savoir s'il y avait une qualité à prendre l'un chez l'autre, qu'est-ce que vous prendrez? Chez Jordan, bah pour moi je pense ses qualités athlétiques. Hein. Je pense qu'on a tous vu que c'était un athlète comme on n'en voit pas souvent dans le championnat de France. Et donc ouais, moi je dirais ses qualités athlétiques. Même si son concours de dunk il l'a foiré, mais mais je prendrais quand même ses qualités athlétiques. Hein. Alors chez Nicolas Lang, bah, je pense que vous avez pu le voir le match contre le Mans. Bah, c'est son shoot quoi. Et, franchement, je vais pas vous mentir, un mec comme lui, déjà de s'entraîner avec lui et de le voir. Mettre parce que vous le voyez en match, il met 2-3 shoots. C'est vrai qu'à l'entraînement, il en met beaucoup, beaucoup, que ce soit à l'entraînement ou sur les concours à l'entraînement. Et franchement, c'est très rare de voir un joueur aussi à droite. C'est gentil, gros. On préfère qu'il les mette aussi à 10 secondes de la fin du match, hein, comme c'était le cas. Exactement. Voilà. Ça nous a bien soulagés. Bon, alors on va passer à Jocelyn. Jocelyn, on t'écoute pour ta question. Salut les gars, moi je voudrais pas poser de problème, mais vous êtes plus Malcolm ou Marquez? Ouh là là, c'est des questions taboues ça. Malcolm qui, rappelons-le, donc, est arrivé cette année, Marquez est le seul joueur à être parti la saison dernière. Honnêtement, à part les origines américaines et le poste de jeu, et après la même taille, c'est vraiment deux personnes complètement différentes. C'est pas du tout le même style de joueur, et même dans la vie, Malcolm est beaucoup plus renfermé. Marquez était vraiment quelqu'un d'exubérant. C'est pas du tout les mêmes. Après, les deux sont intéressants. Et Marquez, on est encore en contact maintenant, donc ça reste un bon gars. Il faudra voir quand Malcolm un jour partira, si on restera encore en contact. Mais bon, Malcolm est encore là, donc je vais dire Malcolm. Quoi. Mais... honnêtement, il n'y a vraiment pas de préférence. Quoi. Ouais, c'est clair que bah, ils sont carrément opposés l'un l'autre. Maintenant, je pense que vous devez le savoir, Malcolm est. Est plus jeune que Marquez, donc ce qui fait que bah, il a moins d'expérience, mais après on peut pas comparer les deux, c'est pas du tout. Zach, merci les gars. Ouais. On passe à Herman, c'est ça? Si je me trompe pas, voilà, vas-y, c'est à toi. C'était une question juste pour Jordan, je voulais savoir si à moyen terme t'avais l'ambition d'aller en NBA. Si j'avais l'ambition, bah, comme tous les jeunes joueurs de basket, j'ai l'ambition d'aller en NBA. Maintenant, il faut déjà prouver ce qui n'est pas encore fait. J'ai encore rien prouvé en pro A, donc J'ai encore un long chemin avant de pouvoir penser à tout ça, quoi. Mais ouais, c'est une ambition quand même. Et quelle équipe en NBA? Quelle équipe? Miami. Pour la ville. C'est sûr que ça change de Chalon en tout cas. Hein. Vincent, à ton tour. Vas-y, pose ta question. Alors, salut les gars, moi c'était pour savoir si avant chaque match, tu deviens un rituel dans le vestiaire. Pas vraiment dans le vestiaire, mais moi c'est le même rituel chaque jour de match. Quoi. C'est la même chose. On a shooting le matin, histoire de se mettre en route un peu. On a séance vidéo sur l'équipe adverse. On rentre, on mange, on fait la sieste. Et après, petite collation à 5h. Moi j'aime bien aller voir le match des espoirs un peu avant, histoire de voir ce que les jeunes donnent. Puis après dans le vestiaire, écouter un peu de musique, essayer de se concentrer sur le match, voir un peu ce que le coach a mis au tableau. Et après c'est vraiment toujours la même routine, aller sur le terrain à la même heure. Enfin, c'est un peu de superstition aussi, mais ça marche pour l'instant, donc ça va. Moi mon rituel, que de la musique. J'écoute que de la musique avant les matchs, ça me détend, ça me fait penser un peu à autre chose. Et puis ouais, comme Nico, je vais voir le match des espoirs avant le nôtre, sachant que nous on est passé par cette case aussi, donc moi ça me fait toujours plaisir d'aller voir ce que les jeunes de maintenant donnent. C'est vrai qu'on est encore jeunes. Merci. Ouais. Bon, on a eu 5 mecs là qui se sont enchaînés au micro, faut bien une question de fille quand même. Et donc c'est Fanchon de Fran qui va poser ta question, vas-y. Salut les gars, donc moi de la part d'Aline et de moi-même, on voulait savoir si vous étiez célibataire. Moi je suis célibataire depuis pas longtemps. Après Jordan. Moi je suis célibataire aussi, pareil. Hein. D'accord, merci. Vous voulez donner votre numéro aussi à l'antenne? L'adresse aussi, ou c'est possible? Là? L'adresse aussi? Ouais, voilà. Non, ça ira. C'est sûr, bon, ok. On peut faire comme ça, quitte à agence matrimoniale, hein, mais bon. Comme vous voulez. Bon, en tout cas, merci aux auditeurs qui sont venus là poser les questions. On va passer maintenant à une petite interview décalée. Voilà, les dernières, vos coéquipiers, enfin. Ex-coéquipier pour Marquez se sont prêtés au jeu des questions toutes courtes, réponses toutes courtes également. Bon, va falloir un petit peu tailler aussi hein, sur vos coéquipiers. Donc on va commencer. Vous répondez tour à tour. Qu'est-ce que vous aimez à Chalon? Simple, hein, court. Question compliquée, oui, mais oui. Le premium. Le premium. Bizarrement, c'était aussi le premium l'année dernière. Hein. C'est vrai? Ouais. Et Jordan? Moi, les marches sur les quais. J'aime bien aller m'asseoir là-bas, surtout par ce temps-là. Je pense que là tous les auditeurs qui sont pas de Chalon vont adorer notre ville et on les fait rêver là. Bon, qui est le meilleur joueur de l'équipe cette saison selon vous? Blake Shield, ok. Le plus physique? Jbam. Le grand Jbam. Nico. Ah c'est comme ça, ok. Jbam. Le plus rapide? Ilian ou je dirais Malcolm. Non. Plus rapide? Non, je sais pas. Non. Pas d'idée non plus. Le plus rapide de... L'an dernier j'aurais dit Marquez, mais cette année au niveau rapidité. Steve va dire que c'est lui, mais alors que c'est pas du tout vrai. Non, moi je dirais peut-être Malcolm, ouais. Ouais, Malcolm de l'année. Et le moins rapide? Ilian Eftimov directement. Ilian lui passe jamais la seconde lui, donc. Ouais, Ilian. Alors, celui qui fait le plus de fautes, alors selon Marquez et Steele l'année dernière, c'était Nico. Hein. Mais maintenant, ils sont pas là, donc c'est à moi de répondre. Voilà. Non, c'est juste que c'est des rageux et c'est pas du tout vrai. C'est vrai que des fois, j'en fais, mais bon... Voilà. Mais le plus de fautes, c'est Ilian, il les fait super bien en douce. Voilà. On l'appelle le bulgare pour ça aussi, parce que c'est vraiment un escroc. Ilian Eftimov. Décidément, il prend cher, là. Hein. Le plus drôle? Le plus drôle, je pense que tout le monde a son humour. C'est vrai que Steed, c'est celui-là qui, on va dire, qui parle le plus et qui... Bah, c'est vrai qu'il fait délirer quand même. Mais tout le monde est marrant, ça va de Jbam à Brian, en passant par Balou. Bon. Bah ouais, le plus drôle pour moi, pareil. Hein. Steed, bon, après... Nico aussi, il aime bien tailler. Bon, je renvoie bien à chaque fois. Donc. Celui qui s'habille le mieux? Le mieux, je dirais moi. Voilà. Ah. Celui qui a le plus de swag. Franchement, moi je vais pas une vie. Pour moi, celui qui s'habille le mieux, c'est Aladdin Minou. J'aime bien sa manière de s'habiller. Assez original. À la D, c'est vrai, sérieusement. D'accord. Bon. Et celui qui s'habille le moins bien l'année dernière, c'était, selon Steed, Nico. Ouais, bah, c'est clair. Je suis souvent en jogging et tout, j'aime bien. Je sais c'est qui. Alors. Et on y avait déjà pensé en arrivant là, on a mis une petite pièce sur notre gars Ulyssa Jagba. Ouais. Parce que l'époque des baguilles Air Force, il est bien gentil, mais bon, hein. Ça c'était il y a 5-6 ans quoi. Mais ouais, Ulysse là, il faudrait qu'il aille faire un petit tour. Il faudrait qu'Aladé lui donne un peu de conseil par rapport à ça. Par rapport au swag, comme on dit. Celui qui a le plus de succès avec les filles. On va dire un gars qui est pas marié déjà. Moi, je pense que Balou, il y en a pas mal. Hein. Je pense que Balou à Chalon, il y en a pas mal. Après, faut laisser s'expliquer quoi. Mais en fait, on appelle ça le mode sous-marin. C'est-à-dire qu'en fait, on déclare rien à personne, à part à ces gars. Moi, comme Nicolas Lang, c'est un bon pote à moi. Il parle, mais sinon, moi, je sais pas qui c'est. Moi, pour moi, je me prends pas moi en personne numéro une pour rapport à ça. Et le plus dragueur, c'est qui? Oui, non, pas vraiment. Je veux dire, la plupart ont des copines, donc. Je pense que ça doit être nous deux à la rigueur. Vu qu'on est les seuls célibataires. L'année dernière, c'était Marquez. Ah, maintenant, il est plus là. Bon, ouais. Malcolm, il a un petit potentiel quand même. Ah, Malcolm, il a un petit potentiel. Il est célibataire aussi, Malcolm? Les ricains, ouais, je crois bien. Voilà. C'est vrai que lui, je l'avais oublié, mais c'est vrai que les ricains célibataires qui arrivent là, ils sont plutôt violents, quoi. Le chouchou du coach. Oh, je pense qu'il aime bien les jeunes. Il nous donne beaucoup de conseils et c'est dans un certain sens c'est ça. Après je pense que qu'il va dire moins de choses à un Blake Shipp qu'à certains gars, mais bon c'est avec nous c'est plus une relation père-fils quoi. D'accord. Pareil, bon ok. La plus grosse qualité du coach. Je pense son côté direct et honnête quoi. Pareil. Et son plus gros défaut. Il gueule souvent. Tu veux pas jouer au prochain match, hein? Ouais, pareil. Pareil, ouais. On l'a bien vu d'ailleurs en finale de la semaine des As. Hein. Bien énervé sur la fin. Ça a fait le tour, hein, cette vidéo. Votre plat préféré? Les sushis. Non, pas ça, c'est pas ça pour toi. Moi, c'est les pâtes carbo. Non, sérieux? Pourquoi pas? Bah oui. Les pâtes carbo, non, rien de meilleur. Et vous cuisinez beaucoup ou alors juste des pâtes carbo? Pas de carbo ou pas de poulet. Non, moi, niveau de la cuisine, c'est pas trop ça, donc j'aime bien manger dehors. D'accord. Votre chanteur préféré? Drake. Qu'est-ce que... Rick Ross, ouais. Rick Ross, il est lourd. Bon, et on va finir avec un petit bambourguignon. Bon, vous connaissez, ça, pas la peine de vous apprendre. Donc on va tous faire en studio un bambourguignon. Bravo. Merci en tout cas les gars. Vous restez là puisque d'ici quelques secondes on va se retrouver pour une petite surprise à un des coéquipiers ou le coach. Voilà, donc restez bien avec nous. C'est Énergie avec Jordan Aboudou et Nicolas Lang. Énergie, la radio officielle de l'élan Chalon. Et sur Énergie, on est toujours avec Jordan Aboudou et Nicolas Lang. Donc maintenant, on va appeler Ilian là et on va lui faire un petit canular avec Nico. On va lui faire croire que son chien va participer à un concours. Sauf qu'il faudra le teindre. Et à la clé, il y a quand même 3000 euros. Donc on va voir comment réagit Ilian. Bah, c'est parti, à toi Nico. Allô? Ouais, EFT? Oui. C'est Nico? Ça va? Ça va, toi? C'est quoi ce numéro là? Chez toi? Non, je suis chez Énergie là avec Jordan. Ah ok. En fait, on t'appelle parce que ils nous ont demandé si c'était possible que tu nous prêtes ton chien. Mozzarella même. Bah, attends, écoute. Non mais mec, je vais t'expliquer le truc. On a déjà appelé Jbam, il est d'accord. Hein? C'est il y a un concours de chien, 3000 euros à la clé, mec. 3000 euros à la clé? 3000 euros à la clé et juste ton chien, faut le colorer, la couleur que tu veux. Et bah attends, il est noir déjà, tu veux que je colore comment? Mais mec, tu le colores en jaune ou en chez ce que tu veux, mais... 3000 euros, mec, t'es chaud, je pas mis des chauds, hein? Ah bah moi aussi, hein. T'es chaud alors? Ah oui. C'est pas le concours. C'est le week-end prochain. Quand on revient de Pau, c'est le dimanche. Donc c'est dans 10 jours. 10 jours. T'as 10 jours pour colorer ton chien, ça marche? Ouais, et on fait quoi? Il faut prendre une photo, faire quoi? Faudra l'emmener là-bas. Mais d'abord, faut prendre une photo de lui, genre, tu sais, petite pause. Ouais. Et on le mettra sur le mur Facebook de l'événement. Ouais. Et après, le vainqueur, 3000 euros à la clé. Moi, ouais, j'ai deux chiens, je peux mettre les deux ou pas? Il peut mettre les deux ou pas? C'est bon, il peut mettre les deux. Donc on... Tu te fous pas de ma gueule, là? Si, un peu quand même, on va dire, quoi. Non, mais je déconne, mec, c'était une blague. Ouais, je le savais. Ah, tu savais. Je le savais. Il n'y a que toi pour imaginer des trucs comme ça. Merci de ta participation, gros. Ouais, de rien, mon gros. Tu vas voir, moi, je vais vous manger, là. C'est cool, vas-y, gros. À toutes. Ciao. Ciao. Bon, ben voilà, les gars. Merci à vous d'être passés. Merci pour le canular. Je pense que Ilian va s'en souvenir. En tout cas, on vous souhaite un bon match pour demain, le derby bourguignon face à Dijon. Ouais. Merci à vous et puis à très vite sur Énergie. Énergie, la radio officielle de l'Élan Chalon.